Néhémie chapitre 11. Et les principaux du peuple s'habituèrent à Jérusalem, mais tout le reste du peuple jeta le sort, afin qu'une des 10 parties s'habituât à Jérusalem, la sainte cité, et que les 9 autres parties demeurassent dans les autres villes. Et le peuple bénit tous ceux qui se présentèrent volontairement, pour s'habituer à Jérusalem. Or ce sont ici les principaux de la province qui s'habituèrent à Jérusalem, les autres s'étant habitués dans les villes de Juda, chacun dans sa possession, selon leur ville, savoir, les Israélites, les sacrificateurs, les Lévites, les Nétiniens, et les enfants des serviteurs de Salomon. Ceux de Juda et de Benjamin, s'habituèrent donc à Jérusalem, des enfants de Juda, Athaja, fils d'Uzija, fils de Zachari, fils d'Amarja, fils de Sephadja, fils de Mahalaleel, d'entre les enfants de Pharaï, et Maaséja fils de Baruch, fils de Colosé, fils de Zaja, fils d'Adaja, fils de Jojarib, fils de Zachari, fils de Siloni. Tous ceux-là étaient enfants de Pharaï, qui s'habituèrent à Jérusalem, 468 vaillants hommes. Et ceux-ci étaient d'entre les enfants de Benjamin, Salu, fils de Mésulam, fils de Joed, fils de Pédaja, fils de Colaja, fils de Maaséja, fils d'Issiel, fils d'Ésaïe. Et après lui, Gabaï, Salaï, 928. Et Joël, fils de Zikri, était commis sur eux, et Juda, fils de Senua, était lieutenant de la ville. Des sacrificateurs, Jéaja, fils de Jojarib, Jaquin. Seraja, fils d'Ilkija, fils de Mésulam, fils de Tsado, fils de Merajot, fils d'Aïtub, conducteur de la maison de Dieu. Et leurs frères, qui faisaient le service de la maison, 822. Et Odaja, fils de Jéroam, fils de Pelalja, fils d'Ehansi, fils de Zachari, fils de Passur, fils de Malchija. Et ses frères, les chefs des pères, 242. Et Amasai, fils d'Azaréel, fils d'Azaï, fils de Mésiémoth, fils d'Imé. Et leurs frères, fort et vaillants, 128. Et Zabdiel, fils de Guédolim, était commis sur eux. Et des Lévites, Semaja, fils de Azub, fils d'Azricam, fils de Zabja, fils de Buni. Et Sabetaï et Josaba étaient commis sur le travail de dehors, pour la maison de Dieu, étant d'entre les chefs des Lévites. Et Matanja, fils de Micha, fils de Zabdi, fils de Zaph, était le principal des chantres, qui commençait le premier à chanter les louanges dans la prière, et Bakbukja était le second d'entre ses frères, puis Ebda, fils de Samua, fils de Galal, fils de Jédutin. Tous les Lévites qui s'établirent dans la sainte cité, étaient 284. Et des portiers, Akub, Talmon, et leurs frères qui y gardaient les portes, 172. Et le reste des Israélites, des sacrificateurs, et des Lévites, fut dans toutes les villes de Juda, chacun en son héritage. Mais les Nétiniens habitèrent à Ophel, et Tsia et Gispa étaient commis sur les Nétiniens. Et celui qui avait la charge des Lévites à Jérusalem, était Uzi, fils de Bani, fils de Zabja, fils de Matanja, fils de Micha, d'entre les enfants de Zaph, chantre, pour l'ouvrage de la maison de Dieu. Car il y avait aussi un commandement du roi qui les regardait, et il y avait un état assuré pour les chantres chaque jour. Et Pétaja, fils de Mézézabéel, d'entre les enfants de Zara, fils de Juda, était commissaire du roi, dans tout ce qui était affaire envers le peuple. Or, quant aux bourgades avec leur territoire, quelques-uns des enfants de Juda habitèrent à Kirjatarba, et dans les lieux de son ressort, à Dibon, et dans les lieux de son ressort, à Jekabtseel, et dans les lieux de son ressort, à Jésua, à Molada, à Beth-Pélé, à Hatsarsuel, à Beesseba, et dans les lieux de son ressort, à Tsikla, à Mekona, et dans les lieux de son ressort, à Enrimon, à Tsora, à Jarmut, à Zanoa, à Adulam, et dans leur bourgade, à Lachi, et dans ses territoires, et à Azeka, et dans les lieux de son ressort, et ils habitèrent depuis Beesseba, jusqu'à la vallée d'Hinnom. Et les enfants de Benjamin habitèrent depuis Geba, à Mishma, à Ja, Bethel, et dans les lieux de son ressort, à Anatot, Nob, à Nanja, à Tsor, Rama, Gitajim, Adi, Tseboïm, Nebala, Lo, et Ono, la vallée des manœuvres, et quelques-uns des Lévites habitèrent dans leur partage de Juda et de Benjamin.